6 du mat, je sais pas ce qu'elle veut. Si je dois changer ma life, je sais pas si je ferai encore mieux. Balle de 16 dans la tête, ton liquide, on n'a pas raté. Je fais du bif dans la nuit, le matin, moi j'en perds un peu. Toute la noche, bénef, je l'ai planqué. Chérie, j'ai les combines, t'inquiète, demain, c'est Dolce. Y'a plus de galère, je ne prends même plus le métro. Jamais. Vrai salaire, dans le que ça, j'en veux trop. J'en veux trop. Tu gagnes, tu perds, sur ma mère. Gros menteur, tu dois des lots. Tu gagnes, tu perds, sur ma mère. Gros menteur. On a fait du grade pour dinero. Gros vente de stupo numéro. Ouais. Bébé veut quitter le ghetto. Crade, y'a le guetteur. On a fait du crade pour dinero. Sans la mélo. 6 du match, je sais pas ce qu'elle veut. J'fous la drogue de bâtard, j'suis devenu parano. J'ai 3 chipoteuses qui s'adonnent sur la mélodie. J'ai de la baie dans le grinder, roule un joint, on va faire un vœu. Toute la noche qui va s'en sortir. Elle veut un mec comme elle, tous les ruinards du dompé. La rue c'est l'omerta, ceux qui passent sont des mythos. Vrai salaire, dans le que ça, j'en veux trop. J'en veux trop. Tu gagnes, tu perds. Sur ma mère, gros menteur, tu dois des lots. Tu gagnes, tu perds. Sur ma mère, gros menteur. On a fait du crack pour dinero. Ouais. Gros vente de stupo numéro. Ouais. Bébé veut quitter le ghetto. Crade, y'a le guetteur. On a fait du crack pour dinero. Sans la mélo.